Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1 et nous entamons l'émission avec Marie-Claude Dionne qui nous emmène aujourd'hui en Turquie et dans la Turquie d'il y a 2000 ans. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Valérie. Alors, il y a 2 ans, c'est tout le temps comme ça qu'on commence une chronique sur l'archéologie. Souvent, on est au courant des découvertes dans le passé. Donc, il y a 2 ans, ouais, on a une équipe d'archéologues qui a découvert 3 magnifiques mosaïques qui sont toutes intactes. Dans la ville antique de Séleucie de Pierie, dans le sud de la Turquie. Aujourd'hui, le lieu est en ruine. C'est vraiment pas une ville, mais il y a plus de 2200 ans, une grande ville portuaire avait été fondée par Séleucos Ier, un général d'Alexandre le Grand. Ce serait peut-être intéressant d'aller un peu dans le passé, donner un peu un contexte géopolitique pour comprendre la fondation de cette ville-là, pour savoir pourquoi on a des mosaïques grecques dans le sud de la Turquie. En fait, à la toute fin de l'époque classique pour la Grèce antique, donc dans les environs du 4e siècle avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand était en rêve de conquête pour étendre son empire. Il va partir à la conquête de l'Asie. À ses côtés, on va retrouver un ami d'enfance, donc Séleucos Ier. Et à la mort prématurée d'Alexandre, il va mourir quand même assez jeune, il va laisser derrière lui une unité politique dans tout l'Occident et l'Orient comme on n'avait jamais vu dans le passé. Et l'héritage d'Alexandre sera partagé entre ses divers généraux, donc dont Séleucos faisait partie, pour former les différents royaumes et dynasties. Donc son grand territoire qu'il avait conquis le divise en ses différents généraux. Tout à fait. Et c'est la période hellénistique en fait qui va être engendrée par cette séparation là. Et donc la Séleucie va devenir éventuellement romaine avec la prise de possession de Rome sur tout l'empire. Et elle va prendre le nom de Zeugma. Et elle demeure un port très important, sinon même peut-être plus qu'auparavant par sa localisation. La ville est située géographiquement parlant dans la frontière entre le monde gréco-romain et l'Empire perse. Et elle agit comme un pont où tout le monde devait passer. C'est un passage obligatoire, donc c'est un lieu où il y a des échanges alors aussi. Tout à fait. Et finalement, comme l'Empire romain commence à décliner, mais la ville aussi va s'éteindre un petit peu par petit peu, si on veut. Et ce qui est intéressant, c'est que la ville romaine, comme son homologue grec, a révélé plusieurs et merveilleuses mosaïques. Et la plus célèbre pour celle romaine, c'est la jeune bohémienne. Mais donc avant peut-être qu'on en sache plus sur cette mosaïque, dis-moi, les découvertes archéologiques, souvent ça se fait de façon fortuite, et dans le cas présent, parce qu'on fait des travaux, ou on creuse, et puis et on trouve quelque chose. Tout à fait. Alors là, dans ce cas-là, comment ça s'est fait les découvertes de ces mosaïques? Alors sur le site de Séleucie, on tombe dans l'archéologie qu'on parle de fouilles préventives. Donc c'est des fouilles archéologiques qui sont organisées, qui sont prévues. Si on va un peu en arrière, en 2007, la ville qui était en ruine était au cœur d'une zone d'inondation future due à la construction d'un barrage dans les environs. Donc, une équipe d'archéologues qui craignait de perdre les anciens trésors cachés de la ville romaine et la ville grecque à cette inondation-là, et ils ont commencé leur expédition, leur excavation, si on veut. Avant que ce soit inondé. Tout à fait, pour recueillir le plus d'informations possible. Et on sait, les archéologues sont confrontés à ce genre de problème-là assez souvent dans leur métier. Un exemple qui est quand même assez extraordinaire, c'est les temples d'Abou Simbel dans le sud de l'Égypte, qui ont dû être relocalisés en 1964, justement pour ce même problème-là d'inondation qui allait faire face à la région. Quand on a construit un barrage sur le Nil. Sur le Nil, tout à fait. Ouais. Donc, on a démantelé les deux temples qui dataient de l'Égypte pharaonique et on les a reconstruits un petit peu plus haut sur une butte qui était en plus artificielle. Donc, tout était faux, si on veut, mais ça l'a permis de sauver ce patrimoine-là. Donc, on a un projet qui a duré 4 ans, qui a vu le jour, si on veut, en 68, mais ça l'a lancé cette notion de patrimoine universel, le patrimoine mondial. Donc, il y avait plusieurs personnes à l'extérieur de l'Égypte qui étaient conscientisées à ce problème-là. Un petit peu plus proche d'ici, au Québec, en fait, l'archéologie, elle a été un peu, en fait, assez développée grâce à des fouilles archéologiques qui était nécessité à cause des constructions de barrages. Donc, encore une fois, des problèmes éventuels d'inondation et on s'attendait à perdre des informations. Donc, on voulait faire des fouilles pour recueillir le plus d'informations possible avant de perdre éventuellement des sites archéologiques. Souvent, vu qu'on parle du nord du Québec avec les barrages hydroélectriques, on parlait de sites préhistoriques. Mmh, d'accord. Donc, c'est pas si rare que ça, ce genre de situation. Revenons à nos mosaïques. Donc, qu'est-ce qu'on a découvert exactement? À quoi ressemblent ces fameuses mosaïques? Qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Alors, tout d'abord, on a trois nouvelles mosaïques. Je dis nouvelles parce qu'on en a retrouvé depuis les années 60 des mosaïques à cette ville-là. Donc, on a trois mosaïques qui datent du 2e siècle avant Jésus-Christ. Et le plus surprenant, si on veut, c'est le parfait état de conservation. Elles sont assez représentatives du style grec figuratif. Donc, on parle de sujets mythologiques en plein centre d'un grand design géométrique avec des larges rebords. Elles ont toutes été retrouvées à l'intérieur d'un seul et même bâtiment que les archéologues ont surnommé la Maison aux Muses, justement à cause d'une des mosaïques que l'on a découvert qui représente les 9 muses de la mythologie grecque. Ces mosaïques sont constituées de petits morceaux de verre colorés et visuellement parlant, c'est un vrai chef-d'œuvre. C'est un vrai œuvre d'art. C'est pour ça que c'est exceptionnel d'en retrouver qu'ils soient intacts ou tous ces petits morceaux-là sont pas partis avec, décollés, c'est ça. Tout à fait. Éparpillés, on sait pas où. Ça aurait pu. Très bien. Puis en plus, il y a eu beaucoup de problèmes de pillage à travers le temps. Donc, on aurait pu perdre aussi de cette façon-ci. Et on dit que l'un des visages des muses, dont celle de Thalia, qui est la muse de la comédie et de la poésie, a nécessité même des pièces spéciales de verre pour la représentation de son visage. En fait, c'est qu'on dit qu'il y a un trait très, très réaliste. Hein. Il y a une vivacité réelle dans son regard. Donc, quand on la regarde, on a l'impression qu'elle nous voit aussi, qu'elle suit notre visuel. Donc, c'est assez... Mona Lisa en mosaïque. Tout à fait. Et on dit aussi qu'il y a plusieurs artistes à l'époque qui se sont amusés à travailler sur ces muses-là, donc avec ces 9 muses-là, en tant que témoignage de leur importance, mais aussi de leur présence dans le monde gréco-romain. Donc, on peut croire que c'en était ainsi aussi pour les propriétaires de la demeure. Donc, peut-être que c'était des artistes eux-mêmes, ou du moins... ils reconnaissaient la présence des muses dans leur vie. La deuxième mosaïque qu'on a découvert, elle va représenter Océanos et sa sœur Thétis, donc deux figures divines du monde grec qui sont reliées les deux au monde marin. L'idée de montrer ces personnages-là est quand même pas très saugrenue dans la perspective que la ville était une ville portuaire, donc l'eau faisait partie intégrante de la vie des gens qui habitaient celui-ci. Et la dernière mosaïque, un peu plus petit si on veut, donc de moindre importance dans sa dimension, montre un jeune homme. Qui devait donc avoir une importance, lui, ce jeune homme, pour avoir droit à sa mosaïque. Tout à fait. Donc peut-être un personnage dans une histoire d'une mythologie grecque. Le propriétaire, le maître des lieux? Probablement non. Non? On allait représenter plutôt des gens dans la mythologie, dans des histoires, mais on n'a pas assez d'informations pour savoir quelle est l'histoire derrière ce personnage. Donc, les mosaïques grecques, on pense, pouvaient être des copies ou des adaptations de peinture. C'est une forme d'art à l'époque était beaucoup plus prestigieuse que celle de la mosaïque. Mais peu importe, on peut dire que l'art a été adopté pour la civilisation qui a suivi, la civilisation romaine, parce que le style a été adopté par les Romains. On en retrouve de l'Angleterre jusqu'en Syrie, dans tous les maisons, si on peut dire. Et fait assez intéressant, la plupart des noms des travailleurs de la mosaïque romaine qui nous sont parvenus aujourd'hui sont natifs de la Grèce, donc sont grecs. Fait qu'il faut croire qu'ils ont donné un travail de haute qualité à travers le temps là pour être utilisés à de nombreuses reprises. Il faut croire que donc les Grecs avaient cette renommée ou étaient les experts en la matière. Tout à fait. Ouais. Puis, donc, est-ce que la mosaïque, parce que tu dis on en retrouve à différents endroits à travers la civilisation romaine, donc est-ce que finalement c'est un art qui est commun à l'Antiquité? Est-ce qu'on en retrouve fréquemment dans toutes les demeures ou seulement chez les demeures des riches? Oui, tout à fait. C'est vraiment la demeure des riches parce que ça demande un travail qui nécessite de l'argent, et un certain talent. Donc, il fallait aller chercher un artisan qui savait... couper ces petits morceaux de verre-là. Donc, c'est pas tout le monde qui pouvait avoir accès, pouvait se payer ce luxe-là. Ce qui est intéressant, c'est la technique qui est derrière ce travail-là, parce que il faut vraiment un artisan. Donc, on allait dans un atelier commander, si on veut, un style, une mosaïque, mm-hmm. un dessin. Et on avait l'artisan qui créait ces petites pièces-là de verre. Parfois, ça pouvait être des tessons de céramique aussi. Et on allait transporter sur un support temporaire ces petits tessons-là pour les amener mm-hmm. à la maison qui allait recevoir cette mosaïque-là. Donc, il y a un grand travail mm-hmm. assez long derrière aussi. Et c'est une technique qu'on connaît quand même depuis plusieurs années. Là, on parle dans les premières, c'est 6000 ans. Donc, la Mésopotamie connaissait déjà un peu la technique de mosaïque. Pas avec le verre. Cette fois-ci, c'était plutôt avec des cônes d'argile colorée qu'on mettait sur les murs. Plus tard, et il y a un exemple qui est assez incontournable, si on veut, c'est les lions qui ont décoré la porte, le chemin pour se rendre à la porte d'Ishtar en Irak. Donc, des lions qui sont en briques, colorées aussi, donc d'une couleur jaune, mm-hmm. un peu ocre, avec du bleu. C'est incroyable. Et si on pense que, voilà, 5000 ans, on avait déjà cette technique-là qui était acquise, mm-hmm. c'est assez incroyable en soi. Puis ça fait partie, c'est un incontournable de l'art. Ça témoigne d'une recherche esthétique quand même. Tout à fait. Il y avait un besoin, puis il y avait un désir. Mm-hmm. Mais pour venir à nos maisons de celui-ci, bon, on a le professeur qui est Gorké, qui est l'archéologue en chef sur le site archéologique, qui dit qu'il y a plusieurs habitations sur son site qui a ces mosaïques-là. C'est sûr que on a l'idée que ces mosaïques-là avaient aussi un aspect social parce que ça l'invitait des gens à venir regarder les mosaïques. Donc, peut-être qu'il y avait des politiciens qui pouvaient s'enorgueillir d'avoir ces mosaïques-là. C'est ça. C'était des lieux où on pouvait discuter, éventuellement faire des projets aussi. Mmh. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que l'emplacement des mosaïques, ou du moins de leur sujet, n'était pas laissé au hasard non plus. Donc, on pouvait voir, si on veut, un héros, donc dans la mythologie grecque, un personnage lié à l'amour. On aurait pu le voir dans une chambre à coucher, mais pas nécessairement dans un salon ou dans une cuisine. Ouais. Donc, on avait un type recherché dans différentes pièces de la maison. Mmh. Et bon, là, en fait, tu disais il va y avoir un barrage de construits à Séleucos, c'est ça, site moderne de Séleucos. Donc, qu'est-ce qui va devenir de tous ces trésors archéologiques qui vont être enfouis, inondés? Oui, tout à fait. Ben, déjà, le site, en fait, a 80% de sa surface qui est déjà submergée. Ouais. Mais les fouilles archéologiques vont se poursuivre jusqu'en 2017. Donc, on a un financement qui se poursuit pour les 20% du site qui n'est pas encore submergé. Et en tout et partout, on a à peu près 2000 maisons encore antiques, donc de la période romaine et grecque, qui restent à découvrir. Donc, tout laisse à penser qu'on va avoir des très belles découvertes dans les années futures. Les archéologues vont avoir des découvertes palpitantes, probablement. Tout à fait, oui. C'est toujours d'ailleurs des découvertes fascinantes sur ces civilisations anciennes. Puis ça nous permet de rêver un petit peu, de voyager, de rêver un petit peu. Merci beaucoup, Marie-Claude. Merci. On passe en musique sur CKRL au 89.1. Et au retour, on reste dans l'histoire, mais plus proche de nous. Et on va découvrir le scientifique qui se cache derrière la dorsale Lomonosov.